Bonjour Frédéric Sigrist, merci d'avoir diffusé une heure d'émission au groupe ABBA sur France Inter, parce qu'en temps normal on ne les entend jamais. Heureusement que France Bleu Normandie à Rouen est là pour passer leurs chansons, qui font toujours du bien. Merci France Inter, quand même. Au revoir. Salut Blockbusters, c'est Nouméa. Je t'appelle parce que je voulais te remercier pour tous ces karaokés toute la journée, à chaque podcast, Whitney Houston, Céline Dion. Ah bah bien sûr, c'était trop bien. Sans oublier Beyoncé, Ayam, parce que Ayam ça marche. Et puis toutes ces envies qu'on a de plus aller au travail et de faire les intégrales de Kaamelott, de Tarantino, de Game of Thrones et compagnie. Donc merci pour cette petite heure de régalade quotidienne. C'était trop bien. À plus. Bonjour, je suis fan d'ABBA depuis toujours et je suis allée voir la comédie musicale Mamma Mia il y a quelques temps à Londres et j'étais à côté de quelqu'un qui a battu la mesure pendant 2 heures de show, donc qui m'a vraiment pourri complètement le spectacle et j'ai compris aujourd'hui en écoutant l'émission que c'était Frédéric Sigrist. Franchement, il n'y a pas de nom pour les gens comme vous. Bonjour à toute l'équipe de Blockbuster. Alors j'ai écouté l'émission sur ABBA. Je peux raconter une anecdote par rapport à ce groupe. C'est que vers les 17-18 ans, j'ai fait un séjour à Berlin, dans l'ancien Berlin-Est. Nous avons été accueillis par un couple de personnes. Ils avaient un disque de ABBA qu'ils écoutaient religieusement chez eux. Donc le groupe, pour moi, il est synonyme d'ouverture à l'Ouest et de chute du mur de Berlin. Rien que ça. To be or not to be, not to be. Vous l'avez compris, j'adore les jeux vidéo. Et j'essaie depuis 3 ans, à l'échelle de cette émission, de montrer que derrière ce que l'on appelle un jeu se cache souvent une œuvre d'art qui interroge de manière critique notre époque autant qu'elle l'a divertie. Journey, Life is Strange, Grease, Zelda Breath of Wild sont autant de chefs-d'œuvre que l'on peut montrer à quelqu'un qui serait encore à convaincre de l'intérêt artistique, culturel et éducatif des jeux vidéo. Et puis, il y a Mortal Kombat. Mortal Kombat, ce jeu de baston apparu dans les salles d'arcade qui depuis sa sortie a toujours défrayé la chronique. Trop violent, trop sanglant, trop tout. Alors ce matin, je ne vais pas essayer de vous faire croire par le biais d'une rhétorique joliment travaillée, pleine de mots contre triple, que derrière Mortal Kombat se cache en fait une évocation profane des tableaux de Jérôme Bosch. Non, non. Mortal Kombat, c'est un jeu de sales gosses qui ont toujours fait un doigt d'honneur à l'establishment et au politiquement correct. Si Sid Vicious, le leader des Sex Pistols, était un jeu vidéo, ça serait Mortal Kombat. Donc oui, Mortal Kombat est tout ce que les détracteurs des jeux vidéo pensent qu'il est. Violent, brutal, bruyant, irrévérencieux. Et vous savez quoi? C'est pour ça qu'on l'aime! C'est un jeu qui s'assume totalement car il a conscience d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu, une récréation, une catharsis. Et quant à l'éternel débat sur la violence des jeux vidéo, j'imagine qu'une société qui s'est habituée à avoir des sans-abri dormir sur le trottoir, qui s'est habituée à des tueries américaines avec des fusils achetés dans des supermarchés, une société qui débat encore pour savoir si massacrer un taureau dans une arène est un sport ou non, cette société-là doit avoir un avis très pertinent sur la question, car elle a l'air de s'y connaître en matière de violence. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. J'ai bien trop longtemps laissé le royaume Terre subir les horreurs de la guerre. À maintes reprises, nous avons vaincu nos ennemis, mais n'avons jamais rien exigé en retour. Et qu'avons-nous reçu pour nos services? De la violence gratuite! À vous, nouveaux souverains du Nether, je vous le dis, je ne me contenterai plus de défendre la Terre. Je traquerai et je détruirai tous ceux qui la menacent. Je serai sans pitié, je serai implacable. Shinnok était un dieu ancien, impossible à tuer. Il y a des destins pires que la mort. Finish him. Test your might. Test your might. En En 2015, après la sortie du 10e opus de la série, Mortal Kombat avait été vendu à plus de 35 millions d'exemplaires. 35 millions de foyers ont fait l'acquisition d'un jeu qui, depuis sa création, n'a cessé de faire polémique. Alors que le premier Mortal Kombat est sorti en 1992 dans les salles d'arcade, 27 ans plus tard, le 11e épisode est pour le moment le jeu vidéo de console le plus vendu de l'année 2019. Véritable phénomène à côté duquel nombre de médias sont passés, tant Mortal Kombat est clivant, nous avons décidé de relever le défi dans Blockbuster en vous expliquant pourquoi il est aussi jouissif d'arracher la colonne vertébrale de son adversaire, pour de faux bien entendu, depuis maintenant presque 30 ans. Vous serez toujours aussi consterné après l'émission, mais au moins, vous saurez pourquoi. Et pour revenir sur ce monument du jeu de combat et accessoirement mon jeu préféré, j'ai avec moi Sima Fatemi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour les chaînes d'information continue et spécialiste en pop culture. Exactement. Avec nous également Julien Arato, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour jeuxvideo.com. Il savait plus. Je crois que c'est ça que je... Ah, c'est ça que je fais, voilà. Vincent Jourda, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur pour le magazine Rétro Laser et auteur du livre L'incroyable histoire de Mortal Kombat paru aux éditions Omake Books. C'est ça. Et enfin, un revenant, mais bien avec nous, Léonard Desbrières, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Combini, Lire Technicart et co-créateur de la chaîne YouTube que je vous invite à aller voir, Les Fanatiques. C'est ça, merci. Ensemble, on va retracer l'histoire du jeu vidéo Mortal Kombat, ce jeu vidéo de tous les excès, de sa création dans les salles d'arcade à nos consoles de salon. Avec le dernier opus Mortal Kombat 11, on tentera d'expliquer ce qui a différencié Mortal Kombat de ses concurrents directs que sont Street Fighter 2 ou Tekken. On explorera sa mythologie pleine de personnages hauts en couleur, tels que Scorpion, Raiden, Baraka. On vous expliquera comment cette franchise de jeux vidéo a su se réinventer pour devenir un des jeux de combat à la communauté la plus dévouée. Et évidemment, on ne pourra pas faire l'impasse sur les multiples polémiques qui ont entouré la sortie de chaque nouvel épisode. Allez, Blockbuster spécial Mortal Kombat, fight! Il y a plusieurs millions d'années, Shinnok, l'un des dieux anciens, se rebella contre les autres divinités et envahit le royaume Terre. Raiden et les dieux anciens arrêtèrent ce traître et l'emprisonnèrent dans le Nether. Shinnok avait cependant fait des émules. L'empereur de l'outre-monde, Shao Kahn, ne rêvait ainsi que de conquérir la Terre. Raiden convainquit les dieux d'organiser le tournoi du Mortal Kombat, afin d'équilibrer les forces en présence et de donner une chance à la Terre. Pendant longtemps, Shao Kahn se plia aux règles des dieux anciens. La guerre s'était déplacée dans l'arène, où les plus puissants guerriers de Shao Kahn affrontaient les combattants de Raiden dans des combats sanguinaires. Il y a 2 ans, Shao Kahn fut vaincu. Mais il refusa de reconnaître sa défaite. Enfreignant les règles du Mortal Kombat, il envahit le royaume Terre. Round 1. Vincent Jourda. Oui. Mortal Kombat, un des jeux les plus polémiques qui existent. Expliquez-nous la genèse de ce jeu. À la base, c'était une idée, un projet un peu fantasmé de John Tobias et Ed Boon, qui étaient employés chez Midway, qui est une boîte de jeux vidéo des années 90. Et leur idée, c'était de réinventer un jeu qu'ils adoraient, qui s'appelle Karate Champ, et qui est un jeu de combat, en gros, en 2 dimensions, un personnage affronte un autre. En 2 dimensions, c'est que les 2 personnages se font face, on les voit de profil. Exactement. Et voilà, on n'explore pas un univers, c'est un ring, et on doit battre l'adversaire. Exactement, donc c'est très simple, très efficace. Et eux, ils adorent ça. Ils se disent, on va faire notre propre version. On adore les films de Kung-Fu, tout ça. Et quand ils vont voir leurs employeurs, on leur dit, il n'y a eu aucun jeu de combat qui a marché. C'est inexistant à l'époque. Mais à ce moment-là, à peu près, c'est la sortie de Street Fighter 2. Donc, carton phénoménal. Street Fighter 2, un autre jeu de combat tout à fait, japonais, édité par Capcom, japonais. Et je pense que beaucoup de gens connaissent Street Fighter, même de nom, sans avoir tenu une manette de leur vie. C'est un phénomène incroyable, le jeu se vend par millions déjà. Et donc là, à Midway, on se dit, pourquoi pas. Donc ils reviennent vers Tobias et Ed Boon, et ils leur disent, les gars, vous avez 1 an pour faire un jeu, vous êtes une équipe de 4, et 1 an pour faire le jeu. Et alors, directement, il cherche à se différencier de Street Fighter 2, qui est donc un jeu de combat japonais avec Ryu, avec son kimono, qui marche pieds nus, voilà, qui fait des arts martiaux. Il y a quelques effets spéciaux, quelques boules de feu, mais donc ils essaient d'aller, d'avoir un esprit complètement différent de celui de Street Fighter 2. Il y a notamment l'utilisation de sprites incarnés par de vrais acteurs. Oui, voilà, parce que généralement les jeux 2D, les sprites étaient dessinés à la main, donc vraiment des dessins sur ordinateur. Tandis que Mortal Kombat, ils avaient la technologie, qui était un peu inexploitée à l'époque, de prendre en fait des photos ou des vidéos de vrais acteurs, vrais personnages, vraies personnes même, et de les transposer directement à l'écran. Donc du coup, ça donnait un aspect, à l'époque, on peut dire photoréaliste, même si ça a vieilli, mais ça faisait vraiment, à l'époque, c'était très marquant en fait, de découvrir ça en salle d'arcade, ça a tranché complètement avec le reste, et du coup, ça leur a donné une identité qui se rapproche, qui leur permet aussi de se rapprocher plus des films de kung-fu. C'était vraiment un film un peu animé, Mortal Kombat. Et directement, on est quand même aussi dans un univers assez kitsch. Ah, complètement. Mais c'est ça qui fait le charme, je pense que c'est Ed Boon et John Tobias, c'est des gens qui, à l'époque, étaient voilà, fanats de films de kung-fu, de films d'exploitation. Et en fait, ils ont fait un peu ce qu'a fait John Carpenter avec les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. C'est-à-dire qu'ils ont... Dont on parlera demain. C'est voilà, bien de teaser l'émission de demain, c'est parfait. C'est parfait. Belle transition. Tout est connecté. Belle programmation. Et en fait, ouais, du coup, ils ont fait la même chose où on prend des clichés, des archétypes très asiatiques, là, des ninjas, des dieux un peu orientaux, mais sous le prisme complètement américain. Ultra comic book, très ricain, très bourrin, pas très subtil, mais on pas, pas très subtil. Élégant. Mais ça marche, et en fait ça crée un univers qu'ils ont depuis vachement développé, mais ça crée un univers qui du coup était complètement unique dans les jeux de combat. Et initialement ça devait être un jeu vidéo autour de la franchise Universal Soldier de Jean-Claude Van Damme. Ouais, alors il y a pas mal de rumeurs, à la base il devait en effet avoir Jean-Claude Van Damme. C'était l'idée de Midway, parce qu'à l'époque Van Damme c'était voilà, le mec à avoir, la star des films d'action. Qui joue dans les films Street Fighter. Ouais. Oui, voilà, là, l'histoire a bien fait les choses. Ou bien ou pas, bon, c'est un autre débat. Et du coup, ils se sont dit, donc on va prendre JCVD. Jean-Claude en fait, Van Damme, voilà, pour les intimes. Voilà, pour les non-connaisseurs. Et du coup, à ce moment-là, il y a des négociations, etc. Le jeu devait même s'appeler Van Damme à la base. Et du coup, vu qu'ils ont la technologie pour mettre directement un acteur à l'écran, ça s'y prêtait. Et au final, les négociations tombent à l'eau. Alors oui, ça aurait pu être une adaptation d'Universal Soldier, hein, quelque chose d'inspiré de Bloodsport, ou des choses comme ça. Mais ça n'a pas eu lieu. Mais du coup, ça a permis à John Tobias de créer cet univers de toutes pièces. Et je pense que c'est un mal pour un bien. On va continuer de parler de Mortal Kombat, évidemment. Mais il y en a d'autres qui ont parlé de Mortal Kombat. Ah bah tiens, on a même fait un blockbuster sur eux. I Am avec Petit Frère. Cette émission est réalisée par Céline Mila, à la programmation musicale Elsa Béranger. Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé cette émission, aidée par Aurore Mansip. Hervé Evano à la documentation de Lina, et à la technique aujourd'hui, Nicolas Slimani et Florent Bujon. Petit frère n'a qu'un souhait devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on giclait Blanche-Neige et tape éclate, des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des poumes qui sont désormais des soirées plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ces cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de sept lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Petit frère, rêve de

terminer le perso, le fataliser finalement, mais en lui arrachant la colonne, en lui arrachant la tête, en le congelant avant d'être sûr qu'il finisse en petit apéricube. Enfin voilà, c'est toute cette finesse qui fait que finalement c'est l'humiliation par la maîtrise. Et comme le jeu de combat, c'est vraiment passer des heures à maîtriser, être capable de battre l'adversaire et en plus de l'humilier finalement en le fatalisant, pour franciser un peu le terme, et c'était un peu l'essence même de la saga. Je crois qu'à ce stade de l'émission, il n'est plus nécessaire d'essayer de franciser quoi que ce soit. Les auditeurs, sûrement, qui ne connaissent pas, se disent « Mais c'est horrible ce dont ils sont en train de nous parler. » Léo Desbrières, comme Léonard, excusez-moi, comment vous avez découvert Mortal Kombat ? Mortal Kombat, c'est un peu le jeu de l'interdit aussi, parce que effectivement c'est très violent. Vous achetez le jeu, vos parents se regardent ça d'un œil discret, pas très intéressés par ce que vous achetez. Et puis quand ils passent comme ça par hasard devant la télé et qu'ils voient ce à quoi vous êtes en train de jouer, là ils commencent à paniquer. Donc c'est un peu le jeu que tu achètes et que tu adores et que tes parents t'interdisent assez rapidement en fait. Oui, c'est un jeu de punk. Hein. C'est ton acte de rébellion à toi quand t'es ado. Et c'est un des premiers jeux qui a sensibilisé la communauté politique autour du phénomène du jeu vidéo. C'est-à-dire que le système de classification des jeux vidéo est une conséquence directe de Mortal Kombat. Ouais, avec le jeu, de toute façon, vient toute une série de polémiques qui remontent jusqu'en haut de l'État, même aux États-Unis. Vient cette classification qui, on en discutait tout à l'heure, n'est pas une interdiction, justement. C'est plus un conseil qu'on donne aux acheteurs de, voilà, si vous avez tel ou tel âge, si vous êtes en dessous de tel ou tel âge, n'achetez pas ce jeu. C'est la violence, elle est inhérente au jeu Mortal Kombat, le sang, et donc forcément, avec vient des interdits et des polémiques. Et alors là, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que c'est véritablement un jeu violent, ou est-ce que il y a une sorte de j'ai pas dit de catharsis, parce que c'est pas ça, mais est-ce qu'on transfigure pas la violence? Est-ce que c'est pour de faux? On est bien d'accord. Et puis ce que tu disais tout à l'heure, le côté grand guignolesque fait que moi je trouve que ça sauve la violence. Il y a un côté vachement comique quand même dans Mortal Kombat. On n'est pas dans du sanglant pur et dur. C'est, on assume, il y a des personnages, je sais pas, il y a des personnages complètement bourrés, il y a des personnages qui font n'importe quoi. Au-delà de la violence, il y a Borracho. Aussi. Borracho. Exactement. qui vient de Borracho en espagnol d'ailleurs. C'est de la violence. On nous donne à voir un truc qui est complètement fou. Regardez comment ils sont timbrés, ils sont en train de se déchirer entre eux. Donc ça sauve un peu le côté violence pure et gratuite. Sima Fatemi, vous me disiez hors antenne que vous aviez découvert Mortal Kombat avec votre grand frère. Exactement, donc moi je suis un peu de l'école des joueurs parce que le grand frère jouait. Donc quand il me laissait jouer, ce qui n'était pas tout le temps, voilà, c'est le drame d'avoir un grand frère. Je jouais donc contre lui parce qu'on pouvait jouer donc l'un contre l'autre. Et c'est vrai que je suis un peu comme vous, Frédéric. Maintenant j'ai un peu de mal à jouer aux jeux vidéo de combat contre des gens, enfin avec des amis ou de la famille, parce qu'en fait je perds et que ça m'exaspère profondément, c'est-à-dire que c'est terrible, encore maintenant. Et c'est vrai que je reviens donc à ce que disait Léonard, les parents ne contrôlaient pas forcément les jeux qu'on achetait et auxquels on jouait. Et cette violence-là, on la voyait, mais c'est pas pour autant qu'elle nous choquait de la manière dont ça a été interprété justement par les hautes autorités. Sachant qu'il y avait deux versions, je ne sais pas si on va y venir, il y avait deux versions du jeu, il y avait des versions censurées selon la console de jeux vidéo sur laquelle... Quand le jeu a été adapté en console. Voilà, exactement, quand le jeu a été adapté en console, il y avait des versions censurées ou non. Et moi j'ai le souvenir d'avoir eu la version sur la console Super Nintendo, et le jeu était censuré parce que Nintendo proposait aussi une console familiale où on pouvait jouer... Mario. Voilà, on peut jouer à Mario, à des franchises un peu plus légères, on va dire. Donc c'était édulcoré, il y avait moins ces fatalités, le sang n'était même pas rouge. Il était vert. Voilà, il était vert, jaune, moche, on va dire. Donc c'est vrai qu'on avait moins ce rapport-là à la violence. Ceci dit, on retrouvait ce côté absurde malgré tout, même si on retrouvait moins la violence. Alors, je suis entouré par des experts, mais le sont-ils vraiment? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant Mortal Kombat. Saurez-vous y répondre? Initialement, Mortal Kombat devait être un jeu avec Jean-Claude Van Damme et a fini par être un film avec Christophe Lambert. On est d'accord qu'ils n'ont jamais visé l'Oscar. Vous savez, aujourd'hui, avec le revival du côté kitsch, je pense que Mortal Kombat a la palme. C'est vraiment le film le plus kitsch que j'ai jamais vu et qui pourrait très bien revenir à la mode très rapidement. Ah, est-ce que t'as vu le 2 parce que... Le 2 est encore plus dur à digérer. La série télé. La oui. Voilà, où ils assument le porno chic à la moitié de la saison et Raiden perd ses piles dans le combat final. Faut regarder. Mais c'était novateur, mais c'était la première fois que c'était un producteur qui s'appelait Laurence Kazanoff. Et qui, quand il a découvert Mortal Kombat au début des années 90, s'est dit c'est le nouveau Star Wars. Et il faut faire un univers multimédia. Et c'était la première fois. Après, ça a été fait par les Wachowski pour Matrix, etc. C'est quelqu'un de visionnaire, clairement. Bon, il a fait le film qui a été bien reçu. Et puis le reste, ça a été une catastrophe. Chaque combat de Mortal Kombat s'achève par une fatalité. Est-ce que vous pensez que c'est pour rappeler à l'être humain que la notion de libre arbitre est une chimère et que le futur de l'individu est défini par une instance immanente à l'univers ? Oui. Merci. Voilà. Pour Donald Trump, les tueries de masse sont dues aux jeux vidéo. Ils jouaient sur quelle console, les cow-boys, quand ils ont massacré les Amérindiens ? Ah bah sur Master System, sur Sega, c'est sûr. PC Engine 1838, je pense, quelque chose comme ça. Windows 1830. Non, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet qui revient tout le temps. Dès qu'il y a un mec qui pète les plombs, on accuse des jeux vidéo. Et Mortal Kombat, tout comme GTA, sont les deux jeux qui vont surgir très rapidement dans une conversation. Mais comme je le disais en début d'émission, on parle de 35 millions de jeux vendus. Il n'y a pas 35 millions de tueurs en série. Non, mais il est vrai que ces jeux-là qu'on met un peu de côté, enfin, ce jeu-là, Mortal Kombat, qu'on met un peu de côté, dont on a un peu honte parfois, vous en parliez en début d'émission, bizarrement, le nom revient tout le temps dès qu'il s'agit de tueries de masse. On ne sait pas pourquoi, ça revient tout le temps. Et en fait, on lui reproche au jeu son extrême violence, mais ce n'est pas le jeu qui vend des armes, comme vous le disiez, au supermarché. Bah, aux États-Unis, l'enseigne Walmart, une énorme entreprise, a décidé de censurer les publicités de jeux vidéo violents, Mortal Kombat, Call of Duty, etc., mais continue de vendre ses fusils tranquillement dans le magasin. Eh bien, en récompense de ce petit questionnaire expert, on va écouter le tube de l'été, Billie Eilish avec Bad Guy. Now, Scorpion, fetch your master. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm not bad. that she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. C'était Bad Guy de Billie Eilish. Blockbuster. Frédéric Sigrist sur France Inter. General Blade, Cassandra Cage. Oui, Raiden. Le Nether. On doit tenter le dialogue. Il y a peut-être une explication. Liu Kang et Kitana étaient des amis. Le mal de Shinnok les a irrémédiablement corrompus. Ce ne sont plus les champions que nous avons connus. Il faut lancer une attaque préventive. Il est temps qu'on aille les battre sur leur terrain. Quelle est la cible ? La cathédrale de Shinnok enfouie dans les entrailles du château de Liu Kang et Kitana est la source de leur pouvoir. Détruisez-la, et la Terre n'aura plus à craindre leurs terribles armées de cadavres. Si on se fait coincer là-dedans, on est cuit. Pour assurer la survie du Royaume Terre, on doit tous être prêts à se sacrifier. Oh, franchement, ça fait 2 ans que t'en fais les caisses avec ton look dépressif à pigner sur le sacrifice. Toi, t'as pas de famille à perdre. J'ai connu le deuil, Johnny Cage. Raiden a raison, Johnny. On n'est pas prêt pour une nouvelle guerre. Il faut neutraliser l'armée du Nether maintenant, avant que Liu Kang ne nous l'envoie. Je suis toujours avec la journaliste Sima Fatemi, Julien Ratto de jeuxvideo.com, Vincent Jourda, auteur du livre L'incroyable histoire de Mortal Kombat, et Léonard Desbrières, journaliste en pop culture, pour parler de Mortal Kombat. On vient d'entendre un extrait, un extrait de Mortal Kombat 11, Mortal Kombat qui se distingue comme le 10 et le 9 par une histoire développée, car il y a une histoire, il y a une justification pour se taper dessus. Julien Ratto. Oui, en fait, avec le reboot en 2011, ils ont vraiment appuyé sur le côté jeu solo. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une campagne avec une histoire racontée, qui est bien sûr ponctuée de combats, mais avec une... Alors oui, c'est kitsch, c'est grand guignolesque, comme on le disait, mais il y a une vraie histoire à suivre, on s'attache au personnage, et ça nous apprend à jouer les différents archétypes, donc les différents combattants... du panel de persos disponibles. Et ça a vraiment marqué, puisque après on a Tekken qui s'est lancé là-dedans, Soul Calibur qui a appuyé, on a Street Fighter Tekken, 5. Tekken, Soul Calibur qui sont d'autres jeux de combat. C'est ça, et donc après avec le 10, le 11, ils ont développé une mythologie. Il faut savoir qu'en plus, entre chaque épisode, il y a des comics pour raconter ce qui s'est passé entre. Du coup, on a l'univers un peu cross-média dont on parlait il y a quelques minutes. Donc oui, voilà, c'est vraiment une saga en fait qui s'est dit... C'est pas que du versus, c'est-à-dire du 1 contre 1, le jeu de combat, mais c'est aussi moi face à l'adversité, à une histoire. Alors s'il est un jeu critiqué, conspué, disséqué, politisé et stigmatisé, c'est bien Mortal Kombat. Alors vous pensez bien que Mortal Kombat adapté en film, il y en a qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc un mot quand même de ce Mortal Kombat, c'est donc avec Christophe Lambert que Pierre Desproges appelait le loucheur hébété des arbres à singes. Je l'ai vu pour l'émission, bah c'est le degré zéro du cinéma, mais ça donne quand même une vision un peu inquiétante de ce que peut être le cinéma dans le futur, c'est-à-dire la sixième roue du carrosse audiovisuel. Et ça marche très bien, aux États-Unis c'est arrivé en tête du box-office. C'est pour ça que j'en ris sans en rire de ce Mortal Kombat. Sous le soleil de Satan, oui, c'est ça. Les gamins vont se précipiter, pourquoi pas, hein. Je veux dire, chaque génération a eu ses plaisirs bêtes et coupables. Mais là où c'est quand même un peu plus gênant, c'est quand même ça monopolise beaucoup d'écrans. Et bon, ça empêche peut-être un bon film français, africain, chinois, hongrois d'exister, quoi. Ou même américain. Mais en même temps, Mortal Kombat en jeu, bah, y avait déjà des gens qui n'aimaient pas. Ces jeux n'ont probablement pas la possibilité de créer des personnalités meurtrières. Mais je crois qu'ils entraînent à des images, ils entraînent à des comportements, ils favorisent des comportements qui ne nous semblent pas très sains. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors... On vient d'entendre Mortal Kombat, le film, c'est tout pourri. Le jeu vidéo, ça va rendre les jeunes dangereux. Alors, je tiens quand même à dire que je ne ferais pas un blockbuster sur une saga s'il n'avait absolument pas de qualité. Qu'en pensez-vous ? Déjà, Léonard Desbrières. Voir le masque et la plume parler de Mortal Kombat, c'est quand même, ça m'éclate en tout cas, parce que il y a tellement un gouffre entre les deux. Non, mais on ne peut pas accuser Mortal Kombat de tous les maux. C'est tellement, c'est un faux débat, à vrai dire. Et puis, on est sur une œuvre. Alors oui, effectivement, peut-être que le message qu'on, y a pas, ça porte pas vraiment de message sur. C'est à la mode hein, d'avoir des œuvres culturelles qui doivent forcément porter un message sur le monde. Je suis pas sûr que Mortal Kombat ait envie de faire ça, mais c'est une œuvre qui crée une fiction, qui crée un univers et qui est du divertissement. Ed Boon, d'ailleurs, revendique cette non-transmission de message. C'est-à-dire que eux, ils ont commencé à quatre dans un studio en faisant une sorte de blague potache qui est devenue cette franchise hyper importante. Et désormais, il y a la technique qui aide aussi à... Parce que les jeux Mortal Kombat sont extrêmement bien réalisés. Le gameplay, c'est-à-dire la manière de jouer est très développée. Il y a des compétitions même en e-sport désormais. Mais c'est vrai que... on est beaucoup plus proche, à la limite, de ce qu'un Quentin Tarantino a pu faire au cinéma, en jeu vidéo, c'est-à-dire convoquer une forme d'imaginaire global avec un cow-boy, un guerrier qui vient d'un autre monde, un ninja, un cyborg, et tout mélanger dans un même univers où tous les personnages pourraient se rencontrer. Et d'ailleurs, il y a même des personnages de cinéma, désormais, qui ont pu participer au Mortal Kombat. Je pense notamment à Freddy Krueger, des Griffes de la Nuit, Predator, Alien. Ouais. Il y a cette idée-là aussi de mélanger comme ça tous les univers, un petit peu de la pop culture, dans un même jeu de combat. On a eu aussi le Mortal Kombat versus DC Universe, mm-hmm. où c'était un peu un prémisse justement après des sagas Mortal Kombat et Injustice, qui est un arc narratif inédit pour l'univers de Batman, Superman, pour vulgariser un peu. Mais oui, ils ont toujours voulu injecter... tous les jeux de combat le font, c'est toujours un peu glamour d'avoir un Jason Voorhees dans ton jeu, ou même un Link de The Legend of Zelda. Donc tous les jeux de combat le font, mais c'est assez intéressant de voir justement que cette saga-là a été piochée dans les gars un peu violents dans le cinéma. Et autant dire qu'ils en ont encore pas mal, mais je verrais bien le gars de Chainsaw Massacre un Mortal Kombat. Mais il y est déjà. Il y est déjà en DLC. C'est-à-dire les additifs qu'on peut payer pour ajouter au jeu. Et Sima Fatemi, ça a été inventé par quatre garçons. On le sait que Mortal Kombat est un jeu qui est majoritairement plébiscité par les garçons. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur ce jeu. C'est vrai qu'en tant que femme et à l'époque, moi j'étais toute petite quand je commençais à y jouer, je devais avoir 7 ans. C'est vrai qu'il est difficile de s'identifier. C'est très trop jeune. C'est parfait. Alors, je pense que j'étais jeune à l'époque, mais maintenant je fais pas partie des plus jeunes, ça qui est direct. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même une autre époque où les parents ne contrôlaient pas forcément ce à quoi on jouait, et il était difficile de s'identifier, et c'est aussi pour ça que parfois il y avait moins de petites filles qui y jouaient, ou de jeunes filles si on contrôlait vraiment. Et c'était difficile de s'identifier parce qu'il y avait souvent une ou deux combattantes possibles, en fait, puisqu'on a le choix entre plein de personnages. Et là, il y en avait une qui s'appelait Sonya Blade, en tout cas dans le 1. À partir du 2, ils en ont rajouté d'autres, mais c'est vrai que globalement c'est difficile de s'identifier parce qu'on est enfant ou jeune fille, qu'on n'a pas les mêmes formes, qu'on n'est peut-être pas aussi forte. Et en fait, c'est vrai que ce jeu a été taxé aussi d'être un jeu raciste et sexiste, c'est vrai, et parce que les femmes étaient souvent décolletées. Mais ça, c'est vrai que dans le jeu vidéo, globalement, la femme, elle est représentée souvent de deux manières. C'est soit une princesse qu'il faut sauver, soit une jeune femme avec des formes extrêmement prononcées, exactement, une taille très fine et une poitrine. Ça a évolué. Et Ed Boon est d'ailleurs un des rares. Changé. Et je suis d'accord. C'est vrai qu'on les a un peu rhabillés aussi. On les a un peu rhabillés, mais en tout cas pour l'époque, quand on a 10 ans dans les années 90, c'est vrai qu'il est difficile de s'identifier. Mais c'est vrai que moi, je dépassais ça parce que aussi mon frère y jouait. Donc il y avait aussi l'identification au grand frère. Ma grande sœur, ça l'intéressait pas trop. Mais finalement, c'est pas parce qu'il y a juste des filles, enfin une seule fille pour 6 garçons dans le panel de personnages, et qu'il faut se restreindre à prendre la fille. Il faut aussi passer outre et prendre le moine Shaolin, le dieu du tonnerre. Vous l'aurez reconnu, c'est Christophe Lambert, et avec sa perruque blanche. Donc il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça, ouais. Je suis Kronika. Les légendes disent vrai? Je n'apprécie guère le cours actuel de l'histoire. Vous avez donc brisé le temps? Non, je l'ai bloqué. Je recrute tous ceux qui réprouvent la façon dont l'histoire se déroule. En fusionnant le passé et le présent, nous réunirons des alliés des deux époques. Qu'est-ce que je gagne à me mêler à vos batailles? Un empire bien plus vaste dans le nouvel âge, Shao Kahn. Raiden ne viendra plus vous importuner. On peut effacer Raiden de l'histoire? C'est une tâche colossale qui réclame beaucoup de pouvoir et d'efforts. Il faut protéger mon sablier pendant que je m'affaire. Vos armées de l'outre-monde peuvent-elles le défendre? Elles le peuvent. Final round. C'est un extrait de Mortal Kombat 11 qui est sorti il y a peu de temps et qui cartonne. Et à l'issue de, à l'occasion de ce jeu, il y a une forme de reboot, c'est-à-dire on relance l'histoire de Mortal Kombat avec une invocation de voyage temporel, de dieu qui contrôle le temps. Vincent Jourdain, ça n'en finira jamais en fait Mortal Kombat. Ah bah j'espère, hein, mais et j'espère pour Ed Boon et les studios de Warner qui se font. Voilà, qui se font de l'argent sur Mortal Kombat. Il a un deuxième livre à écrire, donc il faut bien. Aussi. Et non, je pense que c'est très malin ce qu'ils font, parce qu'ils ont toujours eu l'intelligence aussi d'expérimenter, de se réinventer. Mortal Kombat s'est passé par pas mal d'itérations. Ils ont tenté la 3D un moment. Après, bon, il y a des fans autour de cette table, mais il y en a d'autres qui aiment moins. Ensuite, ils sont venus à la 2D en 2011. Et en termes d'histoire, enfin, c'est très comic book, hein, Mortal Kombat. C'est un peu Avengers avec du gore, quoi. Donc, ils peuvent se permettre, voilà, voyage dans le temps, dans le dernier, comme dans Avengers d'ailleurs. Donc, je pense que ça leur permet d'avoir toujours un canevas complètement quasi vierge, et après d'y insérer les personnages qu'ils veulent, les mécaniques qu'ils veulent, faire revenir des gens, des personnages qui étaient morts, etc. Donc, je pense que c'est très malin de leur part. Et j'ai l'impression que le fait d'être toujours sous les feux des projecteurs et des critiques depuis le début fait que c'est un jeu qui s'est, et un univers qui s'est posé beaucoup plus de questions sur ce qu'il était que d'autres jeux de combat. Par exemple, Street Fighter 2, beaucoup de joueurs ont reproché de refaire la même formule sans se remettre en question, alors que Ed Boon s'est posé des questions sur l'hypersexualisation de ses personnages féminins, sur la classification. C'est un des premiers avocats à dire il faut que ce jeu soit interdit aux plus jeunes. Les parents ne proposaient pas Mortal Kombat à vos enfants. Moi, je le proposerai pas aux miens. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir été très jeune, le vilain petit canard de l'industrie du jeu vidéo, a fait qu'aujourd'hui, eh ben, on a un jeu qui est un petit peu en train de prendre le leadership des grands problèmes de société. Ça se voit dans l'histoire du jeu vidéo, d'ailleurs, dans les différents opus, il y a vraiment, ça va du jeu parfaitement réussi au jeu complètement catastrophique, parce que il y a des expériences aussi bien techniques, on pense à la 3D, au retour à la 2D. Il y a des expériences dans l'histoire, dans la manière d'aborder les personnages, etc. Ce qui fait que, forcément, en faisant des tests et en étant audacieux, ce que sont les créateurs de Mortal Kombat, on tombe sur des jeux qui ne marchent pas et qui sont détruits par la critique, et d'autres qui sont encensés et qui resteront cultes pendant des années, je pense. Julien Ratto ? Oui, puis ils assument en fait ce rôle de précurseur dans la violence. Et comme c'est vrai qu'en 2010, quand Ed Boon déclare qu'il ne voudrait pas voir ses enfants jouer à Mortal Kombat, c'est un peu un pied de nez, et en même temps, voilà, ça démontre que les jeux sont pas faits pour tous les âges, comme les films, les livres ou autres, et ils militent. En fait, Mortal Kombat finit par militer pour avoir justement, pas une interdiction, mais au moins une prise de conscience que le jeu vidéo, c'est un peu comme les mangas à l'époque du Club Dorothée. Normalement, Ken le survivant, ça passe pas à 9h et ton pain au chocolat. Enfin, donc il y a un peu ce côté-là, Mortal Kombat, c'est un peu le Ken survivant du jeu vidéo, quoi. Et il y a des personnages inoubliable et culte. Rapide tour de table, quel est votre personnage préféré de Mortal Kombat? Moi, c'est Sub-Zero. Sub-Zero, alors, expliquez un petit peu. Alors, c'est une espèce de ninja qui contrôle en fait la glace, et donc il va pouvoir faire tomber des stalactites, vous embrocher, vous geler des parties du corps, utiliser des flèches pareilles en glace. Il a tout cet attirail, et en plus, c'est un combattant assez aguerri, et c'est l'antagoniste de Scorpion. Donc je pense que quelqu'un a sûrement le présenté après. Donc... Léonard, moi je suis un homme plus rationnel, plus je prends Johnny Cage moi. C'est clairement mon personnage préféré. D'ailleurs, c'est ce qui se rapproche le plus de Jean-Claude Van Damme qu'ils auraient souhaité avoir. C'est vraiment l'humain dans toute sa splendeur, très star d'Hollywood, qui se la raconte, qui a les meilleurs punchlines dans les films, je trouve. Voilà. Donc moi c'était Scorpion. Ah. Donc voilà, c'est moi, le rival. En fait, la première fois que je suis tombé, quand j'ai vraiment découvert Mortal Kombat, c'était en salle d'arcade, et j'avais 7 ans aussi, 6-7 ans. Et c'était la borne d'Ultimate Mortal Kombat 3. Et je suis resté complètement transfixé en voyant Scorpion affronter, c'était Smoke, donc c'était un ninja qui affrontait un robot ninja. Donc voilà, 7 ans, j'étais vendu. Et donc Scorpion, voilà, c'est un ninja qui est un revenant, donc c'est un mort-vivant. Avec un peu le look de Ghost Rider, le cavalier fantôme, un crâne enflammé. Tout à fait, et en bon rival de Sub-Zero, il utilise la flamme. Donc ouais, je suis resté fidèle à Scorpion, mais beaucoup de gens jouent Scorpion. C'est un peu le poster boy de Mortal Kombat. Sima Fatih ? Moi, c'est vrai que c'était plutôt les personnages féminins. Donc il y a Sonya Blade dans le 1, dans le 2, il y en a d'autres qui ont été intégrés. Si je ne me trompe pas, il y a Kitana. La princesse Kitana. Voilà, qui a un côté menthe religieuse. Je crois qu'elle se bat avec des éventails. Exactement. Et je crois qu'elle mange son adversaire et qu'elle en crache les os. Milena. C'est sa jumelle magnifique. Exactement. Oui, c'est Milena. Pardonnez-moi, c'est la jumelle magnifique. La fille créée par Shao Kahn, l'empereur d'un pouvoir. Exactement. Voilà. Faut pas confondre. Regardez, j'ai mis une pièce dans le. Ça y est. Et voilà. Donc j'aimais bien en fait cette espèce de femme un peu forte parce que forcément je m'identifiais aussi. Après moi j'aime bien les personnages qui sont un peu des copies de Bruce Lee. Comme Liu Kang est pareil dans la série, enfin dans la saga Street Fighter, où il y avait toujours un petit personnage qui était un peu une copie de Bruce Lee, et ça me plaisait pas mal aussi. Julien Rato, vous vouliez intervenir ? Oui, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, c'est Ed Boon qui fait la voix de Scorpion, et le Get Over Here, quand il utilise sa chaîne pour amener l'ennemi et le trancher en deux, et ben justement, c'est assez drôle. Ed Boon aime tellement certains des personnages qu'il a utilisé sa voix pour leur donner vie, et je trouve ça assez cool. Et c'est toujours lui qui le fait d'ailleurs. Et c'est toujours lui, ouais. Et d'ailleurs, il y a énormément de petits clins d'œil dans les Mortal Kombat, des petits gars qui ensuite sont devenus des vrais personnages. Il y avait notamment une légende urbaine qui disait qu'il y avait un personnage, un ninja noir caché qui apparaissait selon certaines conditions et qui en fait était John Tobias mais inversé, Noob Saibot. Et effectivement, le personnage est ensuite apparu parce que ça les faisait rire. Ouais, depuis le premier épisode, dans le premier, c'était un reptile qui était un ninja vert. Et qui avait des super coups et tout, et c'était vraiment une idée de Ed Boon qui tout seul s'est dit ah, ça va être marrant de mettre un secret, parce que à l'époque des salles d'arcade c'était très très populaire de rajouter des secrets, donc il y avait toute une manipulation à faire très précise pour pouvoir l'affronter. On pouvait pas le jouer, mais et après c'est resté, ils ont toujours continué à faire ça. Dans quelques instants on va jouer avec un auditeur, mais avant cela on écoute un groupe de circonstances, Bagarre avec Kabylie Forni. Je m'appelle Mousse et je vis ici. On dirait pas comme ça mais je viens de Californie. Oui mon daron parle bien français et moi presque anglais. Oui ma daronne est fière de moi et de la JSK. Je me souviens quand tout petit l'école terminée, carte à me jeter, je monte sur ma porte pour skater tout l'été. Comme ma daronne par la fenêtre me crée Mustapha. Va faire ton sac chérie car demain on part au neblé. Et que je lève mon verre et mon majeur en l'air aux futurs passés, à Paris, à Alger, à ceux qui m'aiment ou pas, à ceux qui sont comme moi. Mustapha, c'est moi, alors qui fais-moi, alors qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi. Je m'appelle Mousse, ne sois pas surpris. Undercover comme un rocker, je te raconte ma vie. Je suis un skater, je pars à Belloum et je vis la nuit. Je serai toujours au whisky loup, koum koum, Kabylie parmi. C'était Curial ou Tizi, 300 au beurre ou chami. Entre les deux, un holly, Paris, Alger, Tizi. C'était Curial ou Tizi, 300 au beurre ou chami. Comme un pauvre, je vis ma vie, Tahel Kabylie parmi. Oui, je sais, un jour je. C'était Bagarre et maintenant on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Anatole au téléphone. Bonjour Anatole. Salut Frédéric, salut. Ça va? À tous. Alors vous êtes fan de Mortal Kombat? Ah dis donc, ouais j'aime bien, j'ai redécouvert un peu avec la nouvelle version de Netherrealm, mais... Et quel personnage m'a bien intéressé. Quel personnage vous préférez? Ah, probablement Sub-Zero, moi aussi. Hein. Comme ah bah voilà, voilà. Il y a Junior Ato qui opine du chef. Oui, c'est bien, c'est bien. Ah. Alors vous connaissez le principe du jeu? Je vais vous poser trois questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne la possibilité d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est bon? Très bien. C'est parti. Dans le dernier opus, Mortal Kombat 11, qui sont les souverains des enfers ou qui règnent sur le royaume de Never? Liu Kang et Kitana. Ah bah voilà, c'était une réponse à choix multiple, mais voilà, effectivement, Liu Kang et Kitana, c'est une bonne réponse, bon bah ça va aller vite. Deuxième question, qui sont les parents de Casey Cage? C'est Sonya Blade et Johnny Cage. Oh, c'est bien, il l'a bien fini le dernier. Bien aimé mode histoire, ouais. Dernière question, on va vous passer un extrait d'un combat. Êtes-vous capable de reconnaître au moins un des combattants? Alors, est-ce que vous êtes capable de reconnaître? Je dirais qu'il y a Liu Kang qui fait ses cris de brosserie. Oui! Ben voilà, vous avez gagné. Il y avait Liu Kang et Scorpion. Et c'est difficile parce qu'il n'y avait pas le Get Over Here. Mais effectivement, c'était Liu Kang et Scorpion. Bon, ben on a affaire à un expert. Anatole, vous avez gagné le livre de notre invité Vincent Jourda, L'incroyable histoire de Mortal Kombat, paru aux éditions Omake Books. Cool, ben merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé. En général, ça fait plaisir de passer l'été avec vous. Et ben c'était un plaisir, sachez-le, vraiment. À bientôt. À bientôt. On arrive à la fin de cette émission. Sima Fatemi, Julien Rateau, Vincent Jourda et Léonard Desbrières, je vous remercie parce que on n'imagine pas à quel point c'est exceptionnel de pouvoir parler de Mortal Kombat sur France Inter pendant une heure. Je ne sais pas si ça arrivera à nouveau, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ça pour cette dernière semaine de Blockbuster. Je rappelle aux auditeurs, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour ou un autre. Il y a également la page Facebook de l'émission et il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Your soul is mine. Ton âme est à moi.